Le groupe Scorpion sur RJM, un peu plus de 8h38, on parle maintenant anniversaire. Ils sont nés un 31 août 1948, naissance de Rudolf Schenker, musicien allemand du groupe Scorpion. 1949, naissance de Richard Gere, acteur américain, vu dans American Gigolo dans le rôle de Julian, Cotton Club dans le rôle de Dixie Dyer, Pretty Woman dans le rôle d'Edward Lewis, Just Mary Dupresque dans le rôle de Igram ou encore Chicago dans le rôle de Billy Flynn. 1958, naissance d'Éric Zemmour, journaliste et écrivain français. 1963, naissance d'Éléonore Carlwayne, actrice française, connue pour son rôle d'Anne Weber dans le film Diabolomante. 1971, naissance de Chris Tucker, acteur américain, vu dans le cinquième élément, Rush Hour 1, 2 et 3 dans le rôle de l'inspecteur James Carter ou encore Happiness Therapy dans le rôle de Danny. 1974, naissance d'Andrei Medvedev, ancien joueur de tennis ukrainien, ayant fait carrière de 1991 à 2001, qui a été numéro 4 mondial en 1994, qui a été une fois finaliste à Roland-Garros, quart de finaliste à l'Open d'Australie ainsi qu'à l'US Open et huitième de finaliste à Wimbledon. C'est également l'année de naissance de Yannick Choira, acteur français, vu dans De Rouille et d'Os dans le rôle de Simon, Papa ou Maman dans le rôle de Xavier ou encore à la télévision dans Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. 1975, naissance de Sarah Ramirez, actrice américaine, vue dans Vous avez un message, Spider-Man, Chicago, la série New York 911, New York Unité Spéciale. On la connaît surtout pour son rôle de Callie Torres dans la série Grey's Anatomy et elle a quitté la série pour jouer dans une autre série qui s'intitule Madame Secretary et elle interprète le rôle de Kat Sandoval. 1976, naissance de Vincent Delerme, chanteur français. 1987, naissance de Morgan Knieski, cycliste sur piste français, champion du monde de scratch en 2009, champion du monde de l'américaine en 2013, 2015 et 2017, champion de France de l'américaine 2009 et 2013, champion de France du scratch en 2009 et champion de France de la course au point en 2010. 1988, naissance de Rachel Legrain Trimpani, Miss France 2007, reconvertie en mannequin et animatrice télé. En 1867, décédé Charles Baudelaire, poète écrivain français, connu notamment pour Les Fleurs du Mal. On lui doit également Les Paradis Artificiels ou encore Le Spleen de Paris. En 1973, décédé John Ford, cinéaste américain qui a remporté 4 fois l'Oscar du meilleur réalisateur, ce qui est le record actuel, avec les films Le Mouchoir, Les Raisins de la Colère, Qu'elle était verte, ma vallée et L'Homme tranquille. On lui doit également La Chevauchée fantastique, L'Homme qui tue à Liberty Valence ou encore La Conquête de l'Ouest. En 1997, décédée Diana Spencer, princesse de Galles, et Dodi Al-Fayed, producteur de cinéma égyptien. Et en 2014, décédé Jimmy Jamison, chanteur compositeur américain ayant fait partie des groupes Cobra et Survivor avant de faire une carrière en solo. On l'écoutera en fin d'émission, mais là on va s'écouter Vincent Delerme avec son titre Fanny Ardant et moi. Du chant grégorien, elle parle à peine et moi je dis rien. On a une relation comme ça, Fanny Ardant. Et moi je passe la soirée avec Sylvain pendant qu'elle mate le papier peint. On est restés indépendants, moi et Fanny Ardant. Elle est posée sur l'étagère entre un bouquin d'Eric Holder, un chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche depuis que je la traîne chez mes parents tous les week-ends, Fanny Ardant. Des filles de Jussieu, elle parle pas trop de Depardieu. Oui, on évite ces sujets-là, Fanny Ardant. Et moi, il y a un truc dans son regard qui me reproche de rentrer trop tard. Elle voudrait que je sois là tout le temps. Évidemment, Fanny Ardant, elle est posée sur l'étagère entre un bouquin d'Eric Holder, un chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche depuis que je la traîne chez mes parents tous les week-ends, Fanny Ardant. chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche depuis que je la traîne chez mes parents. Tous les week-ends, Fanny Ardant, on écoute du chant grégorien, elle parle à peine et moi je dis rien. On a une relation comme ça, Fanny Ardant et moi. Fanny Ardant et moi. Fanny Ardant et moi. Fanny Ardant et moi. Fanny Ardant et moi, Vincent Delerme sur le 107FM. Ça rime un petit peu. Allez, il est presque 8h45 et il est temps pour nous de faire un point sur la météo. La météo. Bon, ce sera pas très folichon aujourd'hui, hein. Ce sera de la pluie, des éclaircies qui devraient apparaître en fin d'après-midi. Des températures comprises entre 13 et 14 degrés ce matin, entre 18 et 19 degrés pour cet après-midi. Et on devrait avoir un week-end plutôt pas mal. Avec soleil et nuages pour demain, des températures comprises entre 8 et 9 degrés le matin, entre 18 et 20 degrés l'après-midi. Dimanche, belle journée ensoleillée, des températures comprises entre 10 et 11 degrés le matin, entre 20 et 22 degrés prévus pour dimanche après-midi. Allez, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Un mot de cyclisme avec la Vuelta et l'étape d'hier s'est terminée au sprint avec la belle victoire du Vosgien Nasser Bouhanni. Un mot de football maintenant avec tout d'abord l'Europa League et le match retour entre Bordeaux et la Gantoise. Victoire des Bordelais 2-0. Ils connaîtront leur prochain adversaire ce soir puisque le tirage au sort aura lieu aujourd'hui. Tirage au sort cette fois de la Ligue des Champions, c'était hier. On connaît les futurs adversaires de Monaco, du Paris Saint-Germain et de Lyon. Monaco est dans le groupe A aux côtés de l'Atlético Madrid, du Borussia Dortmund et du FC Bruges. Le Paris Saint-Germain est dans le groupe C aux côtés de Naples, Liverpool et l'Étoile Rouge de Belgrade. Et enfin, Lyon est dans le groupe F aux côtés de Manchester City, du Shakhtar Donetsk et du club d'Offenheim. On parle maintenant de la liste de Didier Deschamps pour les matchs de la rentrée en Ligue des Nations. D'ailleurs, le premier match pour l'équipe de France, ce sera le 6 septembre en Allemagne, à Munich. Eh bien, pour les 23, c'est pas compliqué. Vous prenez 22 des 23 champions du monde. Il y a Hugo Lloris, Alphonse Areola, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Benjamin Mendy, Benjamin Pavard, Adil Rami. Oui, lui qui avait annoncé sa retraite internationale après la Coupe du Monde. Eh bien, il sera bel et bien présent dans l'effectif français. Il y aura également Djibril Sidibé, Samuel Umtiti, Raphaël Varane, N'Golo Kanté, Blaise Matuidi, Steven Nzonzi, Paul Pogba, Corentin Tolisso, Ousmane Dembélé, Nabil Fekir, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Thomas Lemar, Kylian Mbappé et Florian Thauvin. Le seul absent de ces champions du monde, c'est Steve Mandanda qui est malheureusement blessé, donc il ne peut pas faire partie de la liste, mais il sera quand même bel et bien présent dans le stade. Et il est remplacé par Benoît Costil. Un mot de football toujours avec le programme de la Ligue 1. Aujourd'hui, Lyon reçoit Nice. Samedi, Nîmes recevra le Paris Saint-Germain. Angers, Lille, Dijon, Caen, Guingamp, Toulouse, Reims, Montpellier et Strasbourg, Nantes. Dimanche, Saint-Étienne recevra Amiens, Rennes, Bordeaux et on terminera avec Monaco face à Marseille. En Ligue 2, aujourd'hui, Nancy se déplace à Châteauroux et samedi, Metz recevra le club de Lens. Décidément, ces deux-là ne se quittent plus. En National 2, samedi, Épinal se déplacera au club de Fleury 91. En National 3, samedi toujours, Raon-l'Étape se déplacera à Épernay et Thaon-les-Vosges recevra l'équipe 2 de Nancy. Un mot de basket, ce week-end, c'est le tournoi de Vittel pour le SLUC Nancy. Et on va terminer avec le tennis et l'US Open. Et journée mitigée pour nos tricolores hier. hier. Benoît Paire n'a rien lâché, mais il s'est malheureusement incliné en 3-7 face à Roger Federer. 7-5, 6-4, 6-4. Nicolas Mahut s'est incliné en 3-7 face à Alexander Zverev. 6-4, 6-4, 6-2. Gaël Monfils, qui était mené 6-2, 5-4 par Kei Nishikori, a malheureusement dû abandonner. Pierre Hugerbert s'est incliné en 4-7 face à Nick Kyrgios. 4-6, 7-6, 6-3, 6-0. Julien Beneteau, dont c'était le dernier US Open, eh bien, s'est incliné en 5-7 face à Struff. 6-2, 4-6, 6-1, 3-6, 6-3. La bonne nouvelle nous vient de Lucas Pouille, qui s'est qualifié en 4-7 face à Baghdatis. 6-7, 6-4, 6-4, 6-3. Et de Richard Gasquet, qui s'est qualifié en 3-7 face à Djere. 6-3, 7-6, 6-3. Djokovic s'est qualifié en 4-7 face à Sandgren. 6-1, 6-3, 6-7, 6-2. Marin Cilic n'a pas fait dans le détail. Il s'est imposé en 3-7 face à Urquijac. 6-2, 6-0, 6-0. Fabio Fognini, tête de série numéro 14, s'est incliné en 4-7 face à Milman. 6-1, 4-6, 6-4, 6-1. Goffin s'est qualifié en 4-7 face à Haase. Schwartzmann s'est qualifié en 4-7 face à Mouniard. Et malheureusement, Carreño Busta a dû abandonner face à João Souza. Au programme d'aujourd'hui, Rafael Nadal affrontera Khachanov. Del Potro sera opposé à Verdasco. Anderson à Shapovalov. Wawrinka affrontera Raonic. Dominic Thiem lui sera opposé à Fritz et Isner à Lajovic. Vous l'aurez remarqué, pas de français sur les cours aujourd'hui. Et côté féminin, eh bien, Caroline Garcia s'est qualifiée en 3-7 face à Puig. 6-2, 1-6, 6-4. Et malheureusement, Kristina Mladenovic s'est inclinée en 3-7 face à Suarez Navarro. 6-1, 4-6, 6-4. Angélique Kerber s'est qualifiée en 3-7 face à Larsson. 6-2, 5-7, 6-4. Maria Sharapova s'est qualifiée en 2-7 face à Sirstea. Kvitova qualifiée en 2-7 face à Wang. Keys qualifiée en 2-7 face à Pera. Wozniacki, numéro 2 mondial, s'est inclinée en 2-7 face à Tsurenko. 6-4, 6-2. Kazatkina, tête de série numéro 11, s'est inclinée en 2-7 face à Šaznovič. 6-2, 7-6. Vondrousova s'est imposée en 2-7 face à Eugénie Bouchard. Osta Penko s'est qualifié en 3-7 face à Tansen et Bertens s'est qualifié en 2-7 face à Di Lorenzo. Aujourd'hui, aucune Française sur les cours non plus à l'US Open. Un match qui va opposer les sœurs Williams aujourd'hui. Il y aura également Sloane Stephens face à Azarenka, Mertens face à Strikova, Svitolina affrontera Wang et Pliskova sera opposée à Kenin. Voilà pour l'actualité sportive. On va maintenant marquer notre dernière pause musicale avec le chanteur Jamison avec son titre I Am Always Here. Alors si comme ça ne vous dit rien, je suis sûre qu'aux premières notes ça va vous parler, surtout si vous êtes trentenaire. C'est la musique du générique d'une série culte. Et oui, vous l'aurez reconnu, c'est le générique de la série Alert à Malibu.